La méditation de la rivière est une méditation qui vous aide à prendre de la distance avec vos pensées pour éviter que celles-ci ne vous entraînent loin de l'instant présent. Nous voyageons sans cesse vers le passé ou vers le futur, oubliant de vivre là où se trouve notre corps, ici et maintenant. Savoir se détacher de ses pensées permet de mettre de la distance entre vous et les émotions qu'elle génère. Cela vous permet également de comprendre que vous n'êtes pas les pensées et les émotions que vous ressentez. Elles ne vous définissent pas. Je vous invite à vous installer confortablement. Bougez légèrement de droite à gauche, d'avant en arrière, afin de trouver votre juste équilibre. Votre dos est droit, sans être tendu. Vos pieds sont bien à plat sur le sol. Vos bras reposent tranquillement sur vos cuisses. Adoptez ainsi une posture digne et confortable. Vous pouvez désormais fermer les yeux ou les laisser légèrement ouverts en posant un regard doux sur un point au sol devant vous. Commencez par prendre trois grandes inspirations, longues, profondes, et poussez chaque expiration jusqu'au bout de l'expire. Remarquez comme les petites tensions de votre corps se relâchent progressivement. Votre dos, vos épaules, les muscles de votre visage, votre mâchoire, votre langue qui repose désormais au fond de votre bouche. Laissez votre respiration reprendre son rythme naturel et posez votre attention sur l'endroit de votre corps où vous ressentez le plus distinctement votre respiration. Votre abdomen, votre poitrine ou votre nez. Si vous éprouvez des difficultés, posez une main sur votre ventre et sentez comme elle monte et elle redescend à chaque respiration. Laissez-vous bercer par votre souffle, comme une feuille à la surface de l'eau. Si votre esprit s'échappe ou vagabonde, ne vous jugez pas trop sévèrement. Rappelez-vous que c'est parfaitement normal et inévitable. Félicitez-vous, le réaliser c'est déjà être en pleine conscience. Revenez simplement à votre respiration. Lorsque vous vous sentirez prêt, je vous invite à élargir votre champ de conscience. Imaginez-vous au bord d'une rivière, sur une berge. Cette rivière symbolise le flot de vos pensées. L'eau est peut-être très calme ou plus agitée. Laissez être les images qui vous viennent. Posez votre décor. Vous êtes installé confortablement sur la berge et vous observez simplement, avec curiosité et bienveillance, l'eau qui défile devant vous. Lorsqu'une pensée apparaît dans votre champ de conscience, imaginez-la simplement se déplacer à la surface de l'eau. Regardez-la s'éloigner de vous en descendant la rivière. Bientôt, vous ne la voyez plus. Chacune de vos pensées flotte à la surface de la rivière et disparaît au loin. Les pensées sur le passé, ce que vous regrettez, ce que vous auriez pu faire, ce que vous aimeriez changer. Ou encore les pensées sur le futur, ce que vous avez à faire, à ne pas oublier, un rendez-vous peut-être, un courrier envoyé. Tout cela s'éloigne de vous. Vous ne faites que les regarder passer. Si toutefois vous vous accrochez à une pensée et qu'elle vous entraîne au fond de l'eau, ce n'est pas grave. Nagez simplement jusqu'à la prochaine berge et retournez vous asseoir au bord de la rivière. Lorsque vous vous sentirez prêt, je vous invite à reprendre conscience de votre respiration. Observez le parcours de l'air, de vos narines jusqu'à vos poumons. Le mouvement de votre poitrine qui se soulève à chaque inspiration. Votre ventre qui se dégonfle à chaque expiration. Restez ici, dans l'instant présent. Rien n'est plus important que ce moment-là. Puis ce moment. Puis celui-ci. Et lorsque la cloche retentira, prenez tout votre temps pour ouvrir vos yeux et remerciez-vous pour l'agréable moment que vous vous êtes accordé. N'oubliez pas, vous n'êtes ni vos pensées, ni vos émotions. Elles ne vous définissent pas.